J'ai choisi cette interview car je trouve que la différence entre le français du Québec et le français de la France offre la possibilité de bien analyser les différences et que celles-ci restent évidemment très intéressantes. Cette interview est tirée de la chaîne radio privée Europe 1, plus précisément de l'émission Les Incontournables de Nikos Aliagas. On constate que c'est une interview classique entre un simple journaliste Nikos Aliagas et le chanteur Garou. Ce dernier est d'origine canadienne, plus précisément d'origine québécoise. Il est né le 26 juin 1972 à Sherbrooke. Il est un chanteur, acteur et compositeur très connu en France. Le sujet de cette interview est le succès mondial de Garou vis-à-vis de son origine. Ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est lorsqu'il explique que dans certains pays, les gens pensent qu'il est d'origine française alors qu'en fait non. Cela vient du fait qu'il parle la langue française et qu'il est très actif en France au niveau des émissions et donc de l'actualité. Il parle aussi de son lien qu'il a pour la France, qui provient de sa grand-mère car étant petit, celle-ci lui montrait toutes sortes d'émissions de la télé française. C'est grâce à cela qu'il a commencé à créer son lien avec la France. Comme évoqué précédemment, Garou est d'origine québécoise. Nikos Aliagas est un journaliste français. Le Québécois ressemble beaucoup au Canadien étant donné que le Québec est une province du Canada, mais il reste tout de même des différences à constater. On peut donc remarquer des différences entre le français québécois et la langue française d'origine, et qui vont plutôt se concentrer sur l'oral, car à l'écrit rien ne change. Cela va rendre la différenciation entre le québécois et le français au niveau de l'écrit très difficile. On peut observer des différences syntaxiques et phonétiques. Pour le québécois, les voyelles et les consonnes sont beaucoup plus accentuées que pour le français d'origine, comme par exemple lorsqu'il prononce le mot « étendard ». On peut aussi remarquer une différence lors de la prononciation de l'adverbe « plus » dans la phrase « plus que jamais, il y a ça au Québec ». En France, on a plutôt tendance à prononcer le S, alors qu'ici, on peut remarquer qu'il ne le prononce pas. On peut également observer une prononciation plutôt nasale au niveau du français québécois. Ce que l'on peut également remarquer dans le québécois est un accent anglais, étant donné que le pays voisin est l'Amérique. Il y a donc influence de la langue anglaise. La prononciation joue vraiment un rôle très important dans les différences observées. Au niveau du journaliste, on peut dire qu'il maîtrise plus ou moins parfaitement la langue française.